fait l'équipe. Sur le deux feuilles on est quatre. Tu sais que la bouteille on liquide. Ici c'est miné, faut qu'on parte. Au CV ou feuille de blé. Je suis sur le stream, pas de coupe de pain. Puis je mélange un peu de beurre. Je suis tout en or, pas trop le bleu. Fais tourner le pétard, on est là. À vouloir de la maille, on est mille plein. À vouloir la maille, coffret là. Viens nous voir dans la grotte, on est mal. J't'ai même pas l'heure comme dit qu'il est minuit. Depuis qu'on galère, c'est la merde. Après les sourires, y'a la mort. Ici, Nike fait l'affaire. Et on a délaissé l'amour. Des fois, du whisky pur ou Fanta frais, ou grosse bouteille, faut que je mette un prix. NB can ramène ta fraise, on est un trop, monte à trois. La police me contrôle pour un brin d'air, je repars et me prennent la brin. Dis à mon acupteur, j'ai caché plein de terre. Coupé avec le pétard, il est plein. Des regards au bout, le pilon est plein. Depuis qu'on galère, c'est la merde. Après le sourire, y'a la mort. Ici, Nike a fait l'affaire. Et on a délaissé l'amour.